Non, je ne suis pas seul. Les copains sont là chez Ali. Et quelquefois, c'est mon filleul qui m'invite chez lui. Mais c'est vrai. Quand vient le soir, je suis plein de solitude. Et dans mon regard, il reste le noir de ma tristesse, c'est une certitude. Ce vide qui chaque jour m'envoyait un peu plus. Un jour il mourra, un jour il gagnera. Alors chez Ali, je n'irai plus.